France Inter. Bonsoir, dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Camille Claudel, une œuvre à soi. Cette femme a tout pour elle, de l'or dans les mains, la beauté du diable, une énergie phénoménale et un caractère de feu. Dès l'enfance, sans aucune formation, elle invente des petits personnages en modelant de la glaise. Sculptrice, reconnue très jeune par ses pairs, Camille Claudel semble promise à un grand destin. Mais en cette fin du 19e siècle, quel défi pour une femme qu'une carrière d'artiste ? Avec le célèbre sculpteur Auguste Rodin, dont elle devient l'élève, la collaboratrice et la maîtresse, Camille Claudel vit une relation artistique et amoureuse fusionnelle dont elle aura du mal à s'échapper. Rodin qui a reconnu tout de suite en elle une grande artiste. « Je lui ai montré où trouver de l'or, disait-il, mais l'or qu'elle trouve est bien à elle. » Le destin de Camille Claudel sera brisé quand elle sombrera dans la folie et finira sa vie dans un asile psychiatrique. Mais après un long purgatoire, l'artiste enfin a été reconnue. Et ses œuvres sont bien là. Parmi elles, la valse, la vague, les causeuses, plus que jamais belles et vibrantes. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Cécile Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne de l'art et conservatrice en chef du musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine, un musée qui a été inauguré en 2017. 15 salles, 45 sculptures, c'est la plus grande collection publique de ses œuvres, je crois. Absolument, qu'on peut découvrir dans la maison dans laquelle Camille Claudel a vécu à son adolescence. C'est très certainement dans cette maison qu'elle a réalisé ses premières sculptures, encore toute jeune, mais avec une vocation déjà bien affirmée et qui, probablement, ce n'est pas un hasard, en fait, si elle s'est affirmée à Nogent-sur-Seine, puisque c'était une ville de sculpteurs. Trois générations de sculpteurs de premier plan ont défilé dans cette petite ville, et en particulier Alfred Boucher, que le père de Camille Claudel a fait venir lorsque sa fille a commencé à modeler ses premiers essais. Oui, c'est une enfant précoce, enfin c'est une artiste oui, très jeune. Oui, elle a 12-13 ans peut-être, et elle va avoir la chance de rencontrer Alfred Boucher, qui ainsi va devenir son premier professeur, qui va l'encourager, qui va lui conseiller aussi de s'installer à Paris. Et Camille Claudel, elle a aussi une volonté très forte, elle va entraîner aussi toute sa famille à Paris. Enfin, il y a quelque chose de... C'est une sacrée personnalité, cette jeune femme. Une force de conviction pour convaincre ses parents de déménager et de s'installer à Paris afin qu'elle puisse s'inscrire à l'Académie Colarossi, où elle va pouvoir se former, dessiner, modeler la terre d'après le nu, qui était vraiment la composante essentielle de la formation des sculpteurs à cette époque. Pas toujours facile pour une femme, il y avait une sorte d'indécence, si on se replace dans la mentalité de cette époque. Mais certaines académies, comme l'Académie Colarossi, ouvraient déjà ses cours aux femmes, et donc Camille Claudel a pu ainsi se former comme sculptrice. Donc elle arrive à Paris, elle a 17 ans seulement, c'est en 1881, et il y a un certain Auguste Rodin qui va remplacer Alfred Boucher comme professeur, et ça va être une rencontre décisive pour elle. Absolument. D'abord comme professeur, et puis quelques années plus tard, elle va entrer dans son atelier. C'est le moment où la carrière d'Auguste Rodin prend son envol, notamment à la suite de la commande de la Porte de l'Enfer en 1880. Et il va développer son atelier et donc recruter davantage d'assistants, dont Camille Claudel va faire partie. Et qu'est-ce que c'est le travail justement de Camille Claudel dans cet atelier ? Qu'est-ce qu'elle apprend ? En fait, à cette époque, les sculpteurs ne travaillent rarement, quasiment jamais seuls. Il faut bien se représenter que l'élaboration d'une sculpture, c'est un processus qui suit de multiples étapes. D'abord, le sculpteur va modeler une terre qui va être le modèle de l'œuvre. Et ensuite, cette terre va être moulée en plâtre. Et à partir de ce plâtre, soit une fonderie va couler un bronze, ou bien l'atelier va tailler un marbre. Et donc, les praticiens, surtout dans un atelier comme celui d'Auguste Rodin, qui est extrêmement développé, vont intervenir en fait à toutes ces étapes. Même dès le modelage de la terre, on sait par exemple par certaines lettres que Camille Claudel a modelé certaines mains et certains pieds des œuvres d'Auguste Rodin. Et puis ensuite, il va falloir des assistants, des mouleurs qui vont mouler le plâtre, mais également des praticiens qui vont tailler le marbre. Et on sait par la suite que Camille Claudel est extrêmement habile dans la taille du marbre, parce qu'on le voit dans ses propres œuvres. Et donc, très certainement, c'est elle qui a taillé certains marbres d'Auguste Rodin aux côtés c'est d'autres travail, praticiens. Oui, c'est un travail quand même très physique, qui demande une certaine force. Donc, ce n'est pas l'image qu'on a d'une femme au XIXe siècle. Non, et c'est assez frappant quand les critiques commencent à s'intéresser à Camille Claudel. Pour louer son travail, pour l'admirer, ils ont besoin de dire que son travail est viril. Donc, on voit qu'il y a là une espèce d'impossibilité entre être un grand sculpteur très habile et être une femme qui va rendre les choses plus difficiles, probablement, en tant que femme, pour s'affirmer dans ce monde d'hommes. Et à partir de quel moment elle devient sa maîtresse ? Alors, on n'a pas de date précise, mais certes, elle entre dans l'atelier en 1884 et visiblement, ils sont amoureux très rapidement. Oui, et c'est une relation très fusionnelle, à la fois donc artistique et amoureuse. Oui, j'aime à croire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de séparation entre les deux. C'est-à-dire que pour l'un comme pour l'autre, ce qui comptait pour chacun, c'était vraiment son travail d'artiste. Leur passion a été tellement puissante parce que justement, ils se comprenaient en tant qu'artistes, parce qu'ils ont travaillé ensemble et parce qu'ils avaient aussi chacun besoin du regard de l'autre sur son propre travail. Mais malgré tout, une relation qui est un peu difficile pour Camille, qui essaye de s'en séparer. Cécile Bertrand, je propose que nous poursuivions tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, Camille Claudel, une œuvre à soi, un texte de Corinne Klomp, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Ossir. Mademoiselle Claudel, j'ai l'honneur de vous informer que Monsieur le ministre vous charge d'exécuter un groupe en marbre intitulé La Valse, d'après votre modèle approuvé par l'inspecteur des Beaux-Arts. Cette lettre, je vais l'encadrer. Mon couple de valseurs va vivre une deuxième vie. Après le plâtre, le marbre. Un beau bloc d'1,20 m, tout à moi. J'ai bien fait de ravaler mon orgueil et d'écouter l'inspecteur des Beaux-Arts me priant d'habiller mes personnages. Quand elle naît des mains d'une femme, la nudité effraie ces messieurs de l'art. Pendant des mois, j'ai travaillé à cacher ce qu'ils ne sauraient voir. Verdict : avis favorable de l'expert en chasteté. Ce ne sont plus deux vulgaires danseurs nus, lourdement accouplés, mais un gracieux enlacement de formes superbes au milieu de l'enveloppement tournoyant des draperies. Du charabia. Mais l'imbécile est heureux, et le ministre aussi. Dommage que mon petit Paul soit si loin. On aurait fêté ça. Paris, 6 mars 1893. À 28 ans, Camille Claudel reçoit sa première commande de l'État. Elle écrit aussitôt la nouvelle à Paul, son jeune frère, récemment nommé vice-consul à New York. Et bien sûr, elle l'annonce à Auguste Rodin. La jeune artiste travaille sans relâche dans l'atelier du maître, rue de l'Université. En tant que praticienne, elle dégrossit puis taille la pierre à partir de modelages en plâtre exécutés par Rodin. Mais elle s'est efforcée de garder du temps pour ses propres travaux. Bien lui en a pris. La valse, sa sculpture d'un couple virevoltant dans un équilibre instable, autoportrait probable de celui qu'elle aspire à former avec Rodin, la comble aujourd'hui de joie. Fin mars, Camille reçoit une note du directeur des Beaux-Arts. Elle se précipite à l'atelier de son amant. J'ai le regret de vous informer que la commande en marbre de Laval s'est mise en attente. Incroyable. Aucune explication. J'en vois une. Mon talent dérange beaucoup de monde. Pas moi. Il m'enchante. Il te sert, Rodin. Et il te rapporte. À moi, rien. Tu oublies la mention honorable au Salon des Artistes. Il y a 5 ans de l'histoire ancienne. Et depuis ? Camille, la sculpture est l'art de la patience. Je suis bien placé pour le savoir. 3 fois, j'ai raté les Beaux-Arts. Ça ne m'arrivera pas. Ces crétins n'acceptent pas les femmes. Oh, mais tu calmes ! Écoute-moi, j'ai 52 ans, des décennies de pratique, mais j'ai dû attendre mes 40 ans pour convaincre 2-3 critiques et gagner un peu de renommée. Tu plaisantes ? Tu croules sous les commandes, pas moi. Ton heure viendra. Tu as un don essentiel, le don de vie. Tu sculptes avec une puissance, comme un homme. Pour quoi faire ? Je suis une bonne femme. Une belle femme, dotée d'un admirable tempérament d'artiste. Tout vient à point à qui sait attendre. Attendre quoi ? Qu'on reconnaisse enfin le travail que j'ai accompli ici, dans ton atelier, en ton nom ? Pour toi, j'en ai fait des pieds et des mains, au propre comme au figuré. Ta porte de l'enfer, tes bourgeois de Calais, tu te souviens des jours, des nuits que je leur ai consacrés ? Mes œuvres, regarde-les, approche. Tu les vois ou tu les confonds avec les tiennes ? Tu m'as donné beaucoup, mais tu as beaucoup appris à mes côtés. La colère te rend injuste. Si ta commande de la valse est suspendue... Annulée. On prend le pari ? Je n'y suis pour rien. Tu es sûre ? Camille, tu perds la raison. J'en ai assez de vivre dans l'ombre du maître. Personne ne me prend au sérieux. Si. Moi, je te prédis un bel avenir. Tu vas m'épouser ? Tenir enfin ta promesse ? Penses-tu ? Jusqu'à ton dernier souffle, tu resteras collé à ta vieille rose beurrée, à sa vieille peau. 30 ans que ça dure, votre affaire. Plus solide qu'une commande de l'État. Tu mélanges tout. Mon frère a raison. Je mérite mieux. Une vraie place. En tant qu'artiste. Et en tant que femme. Qu'est-ce que tu fais ? Je prends ce qui m'appartient, monsieur Rodin. Mes ciseaux de sculpteur, mon maillet et mon courage. À force d'être l'élève, la muse, l'esclave et tout le reste, je ne sais plus qui je suis. J'étouffe. De l'air. Camille, où vas-tu ? Ailleurs, c'est un bon début, non ? Adieu, Rodin. Je ne laisserai plus rien, ni personne faire obstacle à mon art. À mon tour de prendre mon envol. Les passants me regardent d'un drôle d'air. Je leur fais peur. Tremblez, braves gens. Un vent de liberté souffle chez les Claudel. Camille Claudel ne passe jamais inaperçue. Avec ses yeux d'un bleu foncé, sa bouche orgueilleuse et ses longs cheveux bruns noués à la hâte, elle en impose d'emblée, par sa beauté et son allure, volontaire, joyeuse. Une pèlerine jetée par-dessus sa blouse de travail, ses outils serrés contre son cœur, elle regagne son atelier du 113 boulevard d'Italie, qu'elle a délaissé depuis 5 ans. Sans elle, Rodin n'est plus tout à fait Rodin. Durant l'été 1893, la silhouette massive du maître, coiffée de son large béret, rôde souvent aux abords de l'atelier de la jeune femme. Camille ! Encore vous. Allons, à laquelle me dites-vous ? Méchante. Tu ne réponds plus à mes lettres, je m'inquiète. Sans raison. Bonsoir. Attends. As-tu bien travaillé ? Merveilleusement. Hier aussi ? Tous les jours, depuis que j'ai repris ma liberté. Parfait. Quiconque travaille est heureux. Pas vous ? Mon monument à Balzac n'avance pas. Je ne dors pas. Je fais rien. Si, je suis odieux. Avec mes modèles, mes praticiens, Camille, je deviens fou. Bon, lâchez-moi. Reviens. Je vous préviens, je vais crier. Faire un joli scandale en pleine rue. Vous n'aurez qu'une envie, disparaître 6 pieds sous terre. Si c'est avec toi, ma féroce beauté, avec joie. Tout pour sauver notre amour. Notre amour ? Regarde où il nous a conduits. À nous cacher pendant des années comme des criminels. À mentir à ceux qui nous sont chers. Parents, amis, compagnes. Et surtout, à nous mentir à nous-mêmes. Rodin, toi et moi, nous sommes faits du même bois. Notre seul amour, c'est la sculpture. Pour assouvir sa passion de la sculpture, Camille Claudel est venue s'installer à Paris il y a 12 ans, au printemps de l'année 1881, en famille. Mais les tensions au sein du foyer et ses rapports conflictuels avec sa mère l'ont vite poussée à délaisser son clan. En ce 8 décembre 1893, la jeune femme fête ses 29 ans, seule dans son atelier. Je trinque en pensée à ma vie future, ma vie d'artiste. Je bouillonne d'idées. J'éprouve un immense plaisir à travailler. Chaque matin, je me promène au hasard des rues, mon carnet à la main. J'observe les scènes du quotidien, des ouvriers au travail, un enfant qui joue, des femmes sur un banc. Je saisis une attitude, un mouvement. De retour à l'atelier, je modèle des petites sculptures. Je les appelle mes croquis d'après nature. En ce moment, je suis occupée sur un groupe, les bavardes ou les causeuses, j'hésite. Derrière un paravent, trois femmes en écoutent une autre avec avidité. Je vais écrire à Paul pour lui raconter, avec des dessins. Il n'y a qu'à lui que je confie mes trouvailles. Il verra que je ne fais plus du tout du rodin. Et je lui demanderai s'il écrit une autre pièce. Plusieurs de mes amis ont acheté Tête d'or. Il sera fier. Quelle joie nous avons, lui et moi, de partager ce goût pour les arts. Camille, je sais que tu es là. Ouvre-moi. Partir, c'est facile. Résister à la tentation, c'est autre chose. J'ai des nouvelles pour toi. Je suis venu en ami. C'est l'amant que j'imagine. Avec sa belle barbe rousse, chaude et douce. L'amant dont je rêve trop souvent. La faute à l'hiver. Ne sois pas ridicule, ouvre. J'aimerais sculpter encore son visage. Percer le mystère de ce regard. Tantôt envoûtant, tantôt glaçant. Tant pis, je m'en vais. Il ment. Je l'entends respirer. Il me manque. Des collectionneurs s'intéressent à ton travail. Sa peau. Et un certain Mathias Morhardt, critique d'art. Ses mains. Aimerait visiter ton atelier. Sa bouche. Si Mademoiselle Claudel daigne le recevoir. Rodin. Camille, tu as entendu ? Si elle peine à oublier son amant, Camille Claudel traverse une grande période d'épanouissement artistique. Elle libère sa technique, explore de nouveaux matériaux, dont l'onyx. Elle créera bientôt ses plus belles œuvres, intimistes et personnelles, se démarquant de Rodin et de ses formats monumentaux. En février 1895, son frère Paul est de passage à Paris. Camille l'invite à dîner dans son atelier avec leur mère. Le père est resté dans la maison de Villeneuve, lieu de villégiature et d'ancrage de la famille. Tu pourras arranger ton atelier. Il est sinistre avec ces formes qui dorment sous des linges. On croirait des fantômes. Des sculptures, mère. En devenir. Je déteste montrer une œuvre inachevée. En attendant, tu peux admirer la valse devant toi. N'en dégoûte pas les autres. Prends plutôt du gâteau. Avec ces pommes fondantes qui craquellent sous le caramel. Un enchantement. Merci, Paul. Ici, tout est fait maison. La cuisine comme la sculpture. Ce n'est pas un métier pour une femme. La cuisine ? Mais riez. Ton frère a un vrai travail, lui. Un consul n'attend pas après ses parents pour payer son loyer. Je vous rembourserai. J'y compte bien. Tu nous coûtes cher depuis que tu as quitté l'atelier de Monsieur Rodin. Comment va-t-il ? Paul, parle-nous de ta dernière pièce. L'échange, c'est ça ? Camille, ton père aimerait l'inviter à Villeneuve cet été avec sa charmante épouse. Comment s'appelle-t-elle déjà, Madame Rodin ? Rose, comme la fleur avec les épines. Et ils ne sont pas mariés. Drôle de mœurs. Cet homme est un génie, on lui pardonne tout. Tu transmettras notre invitation ? Fais-le toi-même. J'ai trop de choses à penser et mieux à faire. Il est infernal. Mais Paul, dis quelque chose. Il me tarde de partir en Chine. En Chine ? Consul à Shanghai ? Tu n'as pas trouvé plus loin, monsieur l'absent professionnel ? Brillante formule. Je te la volerai. Prends. C'est pour toi. 200 francs ? Oh, merci, Paul, j'en ai bien besoin. J'ai épuisé les 600 francs des parents et un praticien me cherche des noises. Mais je ne me laisse pas faire. Sur ce point, je ne suis jamais inquiet. Oh, ma terrible et géniale sœur. Courant 1895, Camille Claudel voit son travail récompensé par deux commandes. La première, en marbre, à l'initiative de Rodin, vient des organisateurs du banquet en l'honneur du peintre Puvis de Chavannes. Elle concerne Clotho, déesse de la destinée, que Camille a choisi de représenter sous les traits d'une vieille femme au corps décharné, prisonnière de sa lourde chevelure. La seconde commande, en plâtre, émane à nouveau de l'État, qui n'a jamais donné suite à la valse. Elle a pour objet l'âge mûr, un groupe qui met en scène un homme tiraillé entre deux femmes. Debout, la plus âgée tente de l'entraîner, tandis que la plus jeune, à genoux, le retient contre sa poitrine. Difficile d'ignorer l'allusion à la relation entre Camille et Rodin, même si l'âge mûr est aussi une allégorie des grandes étapes de la vie. Portée par ses succès, la jeune artiste renoue avec son amant. Je ne sais pas où j'en suis. Par bonheur, j'ai plus de constance dans ma vie d'artiste que dans ma vie de femme. Depuis que nous nous fréquentons à nouveau, Rodin retravaille des sculptures à partir de mon visage. Je trouve cela touchant. Comme un enfant redécouvrant le jouet qu'on lui a confisqué. 4 heures ? Et ce journaliste qui va arriver, je suis couverte de plâtre. Bon, tant pis. Il faut me prendre en l'état. Pour un critique d'art, vous en avez mis du temps, Monsieur Morart, à trouver le chemin de mon atelier. Pardon ? Auguste Rodin m'a parlé de votre intérêt pour mes œuvres il y a 2 ans. Vous m'aviez oublié ? Pas du tout, mais... Il vient de vous rappeler votre devoir, n'est-ce pas ? Il veut vous aider. À tout prix. À la bonne heure. Mais qu'il le fasse avec discrétion. Vos confrères ont tendance à associer nos deux noms. Jamais à mon avantage. Je lui dirai. Bien. Allons voir mes œuvres. Quelle magnifique sculpture. Son nom ? La vague, inspirée par le japonais Okuzai. Je rêve de créer une version en onyx. Pauvre petite baigneuse. L'énorme vague s'apprête à les engloutir. Elles sont terrifiées. Au contraire, je les trouve fortes, toutes les trois. Lucides. Elles se tiennent par la main, les yeux rivés sur le danger. Elles sont prêtes. À mourir noyées. Dans mon œuvre, elles vivront toujours. Figées dans ce moment où tout peut basculer. Je m'intéresse davantage à l'équilibre de mes personnages qu'à leur mouvement. Avez-vous des élèves ? Non. Je dérobe le moins de temps possible à mon travail. Ici, c'est moi qui fais tout. Je dégrossis, je taille, je sculpte et je polis mes matériaux. Le marbre aussi ? Même Rodin ne fait pas ça. Je sais. Cela dit, j'ai un besoin urgent d'un ouvrier sur le marbre de mes 4 petites causeuses. Là, vous voyez ? Pour finir de ciseler le coin du paravent qui abrite leur conversation. Sinon, je ne serai jamais prête pour le salon. Je vous trouverai quelqu'un. Merci. Et ce buste de femme là-bas ? Il n'a qu'un seul bras. Pourquoi ? Pour rien. Écartez-vous. Malheureuse, qu'avez-vous fait ? Je l'ai détruit. Mon modèle m'a lâché en plein travail, je n'ai pas pu terminer son bras gauche. Vous auriez pu engager quelqu'un d'autre ? Pour rattacher l'épaule de la première au bras de la seconde ? Pour qui me prenez-vous ? Sculpter n'est pas rafistoler. Une relation de confiance se crée bientôt entre Camille Claudel et Mathias Morart, un jeune critique d'art franco-suisse, rédacteur au journal Le Temps. Très diplomate, il joue les messagers auprès de Rodin et l'homme providentiel avec Camille. Il la présente à des collectionneurs, des journalistes, envoie sa femme la soigner quand elle est malade et l'invite à dîner chez lui. Grâce à son réseau, Camille fait dans l'année 1896 une rencontre importante. Mon petit Paul, ta sœur a réussi malgré son goût modéré pour la vie en société, a intéressé un mécène. La comtesse de Maigret. Une dame du beau monde, argentée à souhait. Je n'ai rien à lui dire, mais elle croit en Dieu. Elle te plairait. Elle m'a commandé son portrait en marbre et le buste de son fils. C'est peu, mais ce n'est pas rien. Ma chère, vous avez vu ? Quelle réussite ! Dans votre carrière, le salon de 1897 fera date. Vos causeuses ont fasciné les visiteurs du Champ de Mars et les critiques, écoutez ça, on s'arrête, étonné et ravi devant cette œuvre étrange d'un métier savant d'une rare ampleur. Mathias, les louanges ne paient ni mon loyer, ni les frais d'une rare ampleur engendrée par mon art. Au salon, je n'ai rien vendu. Ça, l'habitude. Je vais attraper froid. Un peu d'air vous fait du bien. Vous travaillez nuit et jour, vous vous nourrissez mal. Résultat, vous êtes épuisé et d'humeur sombre. De grâce, Camille. Cessez de négliger votre santé. Ma santé, c'est la sculpture. Je ne crois pas la négliger. Au contraire, vous tenez aujourd'hui une place majeure. Rodin partage mon avis. Il viendra demain voir vos dernières créations. Non. Je ne veux plus qu'il se montre à mon atelier. Pourquoi ? Pour qu'on cesse d'écrire partout qu'il fait mes œuvres ou que je l'imite bien. Moi aussi, je lis les journaux. Il sera déçu. Il s'en remettra. Si Monsieur Rodin me veut réellement du bien, il ne peut laisser croire que c'est grâce à ses conseils ou à son inspiration que je dois ma réussite. Informé de la décision de Camille, qui traduit sa volonté de prendre à nouveau ses distances, Rodin accuse le coup. Il continue cependant à la soutenir discrètement sur les plans financiers et artistiques. Au journaliste qui questionne son influence sur l'œuvre de Mademoiselle Claudel, le maître répond invariablement. Je lui ai peut-être montré où trouver de l'or, mais l'or qu'elle trouve est à elle. Fin 1897, Camille traîne une mauvaise grippe. Sa mère vient de Villeneuve pour la soigner. Comment peux-tu vivre dans un tel désordre ? Où sont tes mouchoirs ? J'ai le dos couvert de ventouses. À partir de ce jour, moi, Auguste Rodin, je n'aurai plus pour élève que Mademoiselle Camille Claudel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donne-moi cette lettre ! Après l'exposition du mois de mai, nous partirons pour l'Italie, commencement d'une liaison indissoluble. Mère, arrête ! Après laquelle Mademoiselle Camille sera ma femme. Sa femme ? Tu n'avais pas le droit. C'est ma lettre. Datée du 12 octobre 1886. Toutes ces années, tu nous as joué cette ignoble comédie ? Et ton père qui s'est saigné pour toi, tout ça pour te permettre d'être une artiste. Une traînée. Quand il saura... Je t'en supplie, ne lui dis pas. J'espère qu'il te coupera les vivres. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette honte ? Ce que tu as fait ? Mais dès ma naissance, tu m'as rejetée. Père était fou de joie, mais toi, tu t'es sentie trahie, tu attendais un miracle. Et toi ? Tu attendais un fils, pour remplacer l'autre, avant moi. Celui que tu n'avais pas su garder en vie. Tais-toi ! Tu vas me frapper ? Au point où j'en suis... Oui, Rodin m'a aimée. Et je l'ai aimée en retour. Follement. Passionnément. Je ne regrette rien. Jamais je ne te pardonnerai. Le 13 janvier 1898, Émile Zola publie dans l'Aurore son célèbre J'accuse. L'affaire Dreyfus divise la France de la Troisième République. Au Salon national des Beaux-Arts, Dreyfusard et anti-Dreyfusard s'écharpent autour du Balzac de Rodin, qui voit sa notoriété renforcée. De son côté, Camille Claudel commence à travailler sur Persée et la Gorgone, un marbre monumental commandé par sa mécène, la comtesse de Maigret. Courant mars, paraît dans le Mercure de France la première biographie de Camille Claudel, signée de Mathias Morhart. Mademoiselle Claudel restera inoubliable, elle est de la race des héros. N'est-ce pas trop ? Avec vous, trop n'est jamais assez. Vous êtes une artiste incomparable. Selon Octave Mirbeau, une révolte de la nature. Oui, accablée de soucis. J'ai rendez-vous demain matin chez le juge avec un modèle qui veut ma ruine. Ensuite, je vais tâcher de convaincre le Salon des Beaux-Arts d'exposer correctement mes œuvres, au lieu de les laisser en plein vent, en attendant de leur trouver une place. Cette biographie fera bouger les choses. Rodin en est convaincu. Du reste, il a approuvé mon texte. Ah, si Rodin a ratifié ma propre histoire, je me tais. Si un jour j'ai des questions sur ma vie, je l'interrogerai. Noël est là. L'hiver s'annonce rude. Je tiens bon. J'ai sur moi tous mes vêtements. Deux robes indignes de ce nom. Mes trois blouses de travail et ma vieille pèlerine. Avec mon bonnet enfoncé jusqu'aux yeux et mes gants rapiécés, je dois ressembler à cette révolte de la nature dont parlait Morhart. J'ai pris mes distances avec lui. Il s'est trop impliqué en faveur du capitaine Dreyfus. Je refuse de me mêler de politique. Je savoure ma joie du moment. Ma deuxième version en plâtre de l'âge mûr est acceptée. Mais j'attends toujours le paiement qui m'est dû. 1500 francs, jolie somme. J'ai retiré mes gants pour écrire une lettre glaciale au directeur des Beaux-Arts, le menaçant de représailles improbables. C'est l'intention qui compte. Début 1899, Camille Claudel obtient satisfaction et reçoit son règlement. Elle déménage au 19 quai de Bourbon, dans un rez-de-chaussée surélevé. Son appartement manque de confort, avec un vieux divan en guise de lit. Mais il a deux grandes pièces qu'elle transforme en atelier. La même année, l'artiste reçoit l'ordre officiel d'exécuter l'âge mûr en bronze. Mais sa joie est de courte durée. Fin juin, le directeur des Beaux-Arts supprime sa commande. Rodin, ça ne t'a pas suffi autrefois de m'avoir fait avorter de notre enfant ? Il faut que tu fasses avorter ma sculpture ? Comment peux-tu penser une chose pareille ? Depuis des années, je t'aide. Tu me tiens sous ta coupe. Tu tires les ficelles de ma carrière. À coups d'éloges sur papier journal et de commandes en toc. Et moi qui croyais que tu voulais exposer mon art en plein soleil à côté du tien ? Quelle idiote ! Dans ton ciel, il n'y a pas de gloire pour deux. Tu ne veux que ton bien et celui de ta rose, toute dévouée, toute flétrie. Elle, au moins, elle ne te fera jamais d'ombre. Camille, je ne te reconnais plus. Tu deviens folle. Au contraire, je vois clair. Je ne veux plus de ton argent, ni de tes relations. Sors de ma vie. Pour de bon. Auguste Rodin a-t-il fait annuler la commande de l'âge mûr, œuvre autobiographique pour préserver sa réputation ? Possible. Une chose est sûre, il n'interviendra pas pour qu'elle soit rétablie. En mai 1900, s'ouvre à Paris l'exposition universelle. En marge du site officiel, Rodin s'est fait construire son pavillon pour présenter une rétrospective de ses œuvres. Entre le triomphe de celui devenu le plus célèbre artiste du monde et le sort réservé à Camille Claudel, le contraste est saisissant. Se voyant refuser deux sculptures à l'exposition, la jeune femme décide, par dépit, de les retirer toutes. Pour autant, elle ne renonce pas. Cloîtrée dans son atelier, elle multiplie des années durant les ébauches en plâtre de Persée et la Gorgone, avant de s'attaquer à la version finale de plus de 2 mètres en marbre. Le marbre devient mon matériau de prédilection. Hélas, il coûte horriblement cher, sans compter tous les frais à suivre. La comtesse de Maigret m'a donné 9000 francs, mais je ne m'en sors pas. Je vais devoir vendre quelques œuvres, vite et mal. Il est bon que les avenues de l'art soient obstruées de ces ronces devant lesquelles tout recule, excepté les volontés fortes. J'ai longtemps fait mienne cette phrase de Victor Hugo. Aujourd'hui, elle me révolte. Pourquoi tant de ronces sur mon chemin ? Rodin, lui, est couvert de lauriers et de riches maîtresses. Et moi, je dois tout endurer. Maladie, manque d'argent, de commandes et d'affection. L'huissier est le seul homme qui me poursuive. Qu'est-ce que je disais ? Chez vous, c'est une vraie forteresse. Merci de m'avoir laissé entrer, mademoiselle Claudel. Si vous n'aviez pas glissé votre carte sous la porte, vous seriez reparti vite fait, monsieur Blot. Blot. Eugène Blot. Pardon, j'ai mal lu. Eugène Blot, éditeur, galeriste, marchand d'art. Et membre du comité de création du Salon d'automne, au Petit Palais. Mais cela ne tenait pas sur la carte. C'est Rodin qui vous envoie ? Non. L'amour de votre art. Je suis sérieux. Je n'aime guère le style de Rodin. Trop massif. Et il n'a pas besoin de moi. Et moi ? J'ai besoin de vous ? Je le crois. J'entends rendre grâce et justice à votre immense talent. Vous avez perdu la tête. Eugène Blot est parfaitement sain d'esprit. Dès sa rencontre avec Camille Claudel début 1904, il devient son marchand attitré et s'emploie à diffuser ses œuvres. L'artiste trouve en lui un protecteur sincère, honnête et respectueux. Mais au printemps 1905, elle se brouille avec la comtesse de Maigret. Elle perd un soutien financier majeur, même si son père l'aide encore, ainsi que Rodin, à son insu. Peu avant l'été, Paul Claudel arrive en France. Il se remet d'une rupture amoureuse dont il va s'inspirer pour écrire sa pièce « Partage du midi ». Camille et lui partent séjourner dans les Pyrénées. Quelle nouvelle de Villeneuve ? Comment va, père ? Toujours souffrant. Il s'inquiète pour toi, seul à Paris. Il veut que je l'aide à rétablir l'harmonie familiale. Bel oxymore. Arrête de gigoter. Tu étais plus facile à sculpter avant, monsieur l'écrivain. Tu avais déjà ton caractère, mademoiselle le statuaire. Tu deviendras très célèbre. Quant à moi, après avoir été l'élève puis l'amante d'Auguste Rodin, je serai la sœur de Paul Claudel. Arrêtons pour aujourd'hui. Attends, tu pleures ? Ce pauvre Eugène se bat comme un diable, mais il ne vend rien. C'est désespérant. J'ai tout sacrifié à mon art. Tout. J'aurais mieux fait de m'acheter de belles robes pour mettre en valeur mes vrais atouts. Camille, n'abandonne pas. Tu as la vertu de la sculpture. Emmène-moi en Chine. Mais... J'ai compris, Paul. Tu es comme père, mais comme Rodin. Tu ne m'aimes que lorsque je suis loin de toi. Eugène, qu'est-ce que vous faites ? J'aère, on étouffe. Prenez garde, ma concierge espionne tout. J'ai un cadeau pour vous. Un bloc d'onyx, une caisse de pièces d'or. Votre première exposition, au cœur de Paris, dans ma galerie. À quoi bon ? Vous faire mieux connaître. Pour vendre, c'est le seul moyen. Peine perdue. Je suis trop en avance. Le public ne comprend rien. L'inauguration aura lieu dans 10 jours, le 4 décembre. Je n'y arrive pas. Votre fournisseur en sculpture n'a rien à se mettre. Je suis comme peau d'âne avant l'arrivée du prince. Camille, vous avez le don d'attirer le monde par votre grâce, mais de le repousser par... Par... Votre sauvagerie. Voici de quoi vous sustenter. Poulet rôti, pommes de terre en purée, tarte aux poires. Je repasse ce soir. Voulez-vous que j'avertisse votre mère ? Qu'elle vienne vous soigner ? Si vous voulez m'achever, c'est une bonne idée. Paris, 4 décembre 1905. Camille Claudel a 41 ans. Elle s'apprête à se rendre boulevard de la Madeleine dans la galerie d'Eugène Blot. Elle vient de terminer le buste de son frère, commencé cet été. Ce sera sa dernière sculpture originale. L'artiste se tient immobile dans l'entrée de son atelier. Encore belle malgré sa robe fanée, son visage trop fardé. La main suspendue en l'air au-dessus de la poignée de la porte, elle hésite. Une valseuse sans son valseur. Avons-nous jamais dansé ? Rodin et moi. Je ne sais plus. Camille, c'est à toi que je dois toute la part de ciel que j'ai eue dans ma vie. Le passé est mort. Place au présent. Ma première exposition. Je l'ai créée, mon œuvre. Elle existe. Et Paul qui n'est pas là. Quel bel article il m'a consacré cet été. Camille Claudel, statuaire. Il m'a émue aux larmes. Son art éclate par les caractères qui lui sont propres. Son cœur de poète et le don d'inventer. Qu'est-ce qui me retient d'ouvrir grand ma porte de me hâter vers mon succès, d'être heureuse, qui sait ? Rien. Tout. Il y a toujours quelque chose d'absent qui me tourmente. Camille Claudel, une œuvre à soi, de Corinne Clompe, avec Camille Claudel, Delphine Cognard, Auguste Rodin, Pierre Forest, Paul Claudel, Charlie Faber, la mère de Camille Claudel, Hélène Alexandridis, Mathias Morhart, Romain Cotard et Eugène Blot, Paul Spera. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Pierre-Henri et Éric Boisset, assistante à la réalisation Justine Dibling, réalisation Cédric Aussire. France Inter, Stéphanie Duncan. Cécile Bertrand, donc l'histoire que je viens de raconter s'est terminée en 1905, Camille Claudel a 41 ans. Où est-ce qu'elle en est à ce moment-là? C'est le début de la fin? Oui, on constate que déjà depuis le début des années 1900, son inspiration se tarit et on sent que plus la maladie la gagne et moins elle parvient à créer. Vous dites qu'elle est malade, quelle est sa maladie? Alors des psychiatres se sont repenchés sur son dossier médical et ont diagnostiqué une psychose paranoïaque. Et en effet, on sent vraiment cette paranoïa qui la gagne dans ses lettres qui sont conservées dans ces années-là, où elle se méfie de tout le monde. Enfin, elle se méfie, elle a même une peur panique de tout le monde. Elle vit cloîtrée chez elle, Absolument. Elle se sent persécutée par la bande à Rodin, comme elle dit. C'est ça. En fait, toutes les personnes qui viennent chez elle, mais ça peut être une femme de ménage, le garçon qui lui apporte le bois, un voisin, elle pense que tout le monde est complice d'Auguste Rodin pour venir voir ses sculptures, lui voler ses idées et permettre à d'autres artistes de l'entourage de Rodin, donc cette fameuse bande de Rodin, de tirer profit de ses propres œuvres à ses dépens. Elle va vivre comme ça jusqu'en 1913, c'est l'année où meurt son père. Et là, c'est là que la mère et le frère de Camille Claudel vont décider de la faire interner. Absolument. Paul Claudel, qui était diplomate, donc qui était à l'étranger, quand il revient en France pour l'enterrement de leur père, il prend cette décision très lourde à prendre, d'organiser l'internement de sa sœur, parce que en fait, sa sœur ne parvient plus à s'assumer, elle ne se nourrit plus, elle ne prend plus soin d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment expliquer cette maladie? C'est un petit peu difficile de répondre peut-être à cette question, Cécile Bertrand. Oui, alors c'est difficile, c'est vraiment une question médicale. Hein. Je pense que certains psychanalystes ont travaillé sur le cas de Camille Claudel et certains pensent qu'il y avait une sorte d'équilibre qui s'était instauré entre ce terrain qu'elle avait pour la maladie et sa création. Et quand cet équilibre se rompt, en fait, la maladie gagne, elle ne peut plus créer. En tout cas, il ne faut pas dire qu'elle n'était pas reconnue, parce qu'elle a quand même... Alors, elle a eu des difficultés. Voilà, elle a quand même mené une carrière où elle a trouvé sa place. Elle était suivie par des critiques, y compris des critiques très importantes comme Octave Mirbeau, Gustave Geffroy. Elle a eu toujours cette difficulté à obtenir une commande de l'État, mais elle a toujours réussi à s'en sortir par d'autres biais. Elle n'a pas la commande de la valse par l'État, mais c'est Siodoukouville qui fait fondre un bronze. Elle n'a pas la commande du bronze de l'âge mûr par l'État, mais Louis Tissier, un particulier, lui passe la commande et elle fait fondre le bronze. Donc elle arrive quand même à faire advenir les œuvres qu'elle a en elle et à obtenir une reconnaissance. Mais c'est vraiment la maladie qui la fauche et qui tarit sa créativité. On entend plusieurs fois dans la fiction Camille Claudel se plaindre qu'Auguste Rodin l'aide trop, et ou en même temps qu'il la pénalise, qu'il voit en elle une rivale. Enfin, est-ce qu'il l'a vraiment aidée? Est-ce qu'il l'a vraiment soutenue? Il a toujours continué à l'aider. Quand ils vivent ensemble, il a vraiment ouvert son réseau de soutien, à la fois de mécènes, de critiques, donc vraiment elle va profiter pour lancer sa carrière. Et après leur séparation, il va continuer à demander à des critiques d'écrire pour elle, à essayer de lui obtenir des commandes, à lui faire parvenir de l'argent, y compris en passant par des intermédiaires, parce qu'en effet, Camille Claudel se mit à refuser tout ce qui venait d'Auguste Rodin, notamment parce qu'elle craignait d'être toujours ramenée à ce statut d'épicône d'Auguste Rodin. Ça a été un peu son drame. Camille Claudel avait des affinités artistiques très fortes avec Auguste Rodin. Ils avaient un style très proche, mais même avant même qu'elle rencontre Auguste Rodin, ça n'est pas réductible à une influence de Rodin sur Claudel. Et pour les critiques, c'était en fait comme si c'était l'élève qui essayait d'imiter le maître. Et ça, elle en a beaucoup souffert. Et quand elle va se séparer dans la vie d'Auguste Rodin, elle va vraiment manifester son indépendance d'artiste en renouvelant complètement son style, notamment avec ses croquis d'après nature. Et elle veut surtout qu'on ne l'assimile plus à Auguste Rodin. En quoi, Cécile Bertrand, en quoi son œuvre, justement, l'œuvre de Camille Claudel, est-elle originale, novatrice, unique ? Une des choses qui la caractérise, c'est cette recherche du déséquilibre, du mouvement. Ouais. La valse, c'est vraiment une des incarnations cette recherche. C'est un couple, donc un homme et une femme qui sont nus. Presque nus, du coup, il y a une draperie qui vient les envelopper, mais qui participe justement à cette expression du mouvement. Qui est extrêmement érotique, extrêmement amoureux dans ce mouvement. C'est une expression de la passion. Ouais. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment pris dans un moment où ils vont passer au pas suivant. Et donc, on ça se demande comment ils tiennent. Absolument, elle repousse aussi les limites de la stabilité, en donnant un axe très oblique à sa sculpture. Les causeuses aussi, c'est une petite sculpture. On a donc elles sont trois ou quatre femmes qui sont en train de parler et elles sont dans un angle comme ça, devant un paravent. Absolument, donc ça c'est le moment où elle cherche à renouveler son style et notamment en s'inspirant de l'art japonais. Et donc elle va trouver ce principe de composition du paravent dans des estampes japonaises, mais qu'elle applique à la sculpture et à l'espace. Et ce qui est frappant aussi dans cette sculpture, c'est l'expressivité des corps, qui va aussi être vraiment une marque de Camille Claudel. Ses causeuses sont nues, et grâce à ce choix du nu, elle rend ses dos extrêmement expressifs, et juste en voyant les dos de ces femmes, on sent toute l'attention qu'elles mettent à écouter la quatrième femme qui parle. Je vous propose d'écouter Paul Claudel, donc le grand écrivain qui va devenir l'académicien. Il aura sa propre explication sur la folie de sa sœur. Le voici qui en parle en 1954 à la radio, donc l'année qui précède sa propre mort. Et il évoque de manière assez étonnante les dangers de la vie artistique. Ces dangers ne sont que trop visibles pour moi. J'ai causé avec Verlaine. J'ai lu tous ces souvenirs de la vie littéraire dans Baudelaire et de bien d'autres. Et enfin, dans ma propre famille, j'ai eu un exemple terrible en la personne de ma sœur Camille, qui était une femme de génie, d'une beauté et d'un talent extraordinaire, et qui n'a rencontré que le désespoir et finalement la folie. En conséquent, je crois que les vers par lesquels Baudelaire a ouvert son livre « Les fleurs du mal » dans lequel il parle de cette malédiction qu'est la vocation littéraire, ne sont malheureusement que trop vrais. Et il ne faut pas s'étonner si les parents d'autrefois en avaient une salutaire terreur. Paul Claudel, interviewé en 1954, finalement il dit « c'est l'art qui a rendu folle Camille Claudel ». Je crois que Paul Claudel, il exprime surtout combien il est bouleversé par le destin de sa sœur, oui, dont il était très proche, qu'il a énormément admiré, et comme frère, et comme artiste. Et il essaie peut-être de trouver une explication, mais y a-t-il vraiment une explication à la maladie ? C'est une question. Mais en même temps, Paul Claudel n'ira pas très souvent voir sa sœur. Il va y aller une dizaine de fois. Elle sera internée pendant 30 ans en hôpital psychiatrique. Elle mourra dans un asile psychiatrique, donc pendant l'occupation. Probablement, elle mourra de faim. Donc... Il faut quand même aussi défendre un tout petit peu Paul Claudel, qui est allé sûrement un peu plus qu'une dizaine de fois voir sa sœur. Il faut se représenter qu'il était en poste à l'autre bout du monde. Et il faut remarquer qu'à chaque fois qu'il rentre en France, il va voir sa sœur. Mais simplement, il vit à l'autre bout du monde, ce qui explique en partie que ses visites aient été trop rares aux yeux de Camille Claudel, ce qu'on peut comprendre. Et en 1951, c'est lui qui décide l'organisation d'une grande rétrospective des œuvres de sa sœur. Et heureusement, il nous reste les œuvres donc, de Camille Claudel avec ce musée donc, de Nogent-sur-Seine dont vous êtes la conservatrice en chef. Merci beaucoup Cécile Bertrand. Merci à Audrey Ripouille qui a réalisé cette émission, assistée de Frédéric Martin, à la technique Benjamin Vignel. À lire sur Camille Claudel de vous, Cécile Bertrand, le catalogue de l'exposition Camille Claudel, Paul Claudel, Le rêve et la vie, une exposition qui s'est tenue en 2019 et le livre est publié chez Liénard Éditions. Et bien sûr, il faut aller au musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine. Il y a un train direct de la gare de l'Est à Paris. Voilà, c'est la fin d'Autant n'emporte l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site radiofrance.fr où j'attends avec impatience vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons en 1715 au château de Versailles alors que le vieux roi Louis XIV vit ses dernières heures après 72 années de règne. À la cour, la guerre de succession est ouverte alors que le petit Louis XV n'a que 5 ans. Qui sera le régent? Le duc d'Orléans ou le duc du Maine? La mort de Louis XIV, c'est dimanche prochain à 21h sur Inter.